on vient d'avoir quelqu'un. On vient d'en avoir une couple de nouveau, quelqu'un. Annie, t'es folle, chill, de la part de ton pimp. On se reverra au paradis, Dan, de la part de Pasteur. Peace à tous les beaux mâles de Montréal. Et oubliez pas le party dans mon condo de Gucci Toy Boy. Oh, on garde l'esprit ouvert. Et peace à Tabou Disque et City Stars for keeping the vibe fresh. Oh. Celle-là, on big up 69.3, big up City Stars et Tabou Disque for keeping the vibe fresh. Eh bien, c'est tout pour les shout-outs pour l'instant. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. Il y a trop de gens qui appellent, on n'est plus capable de suivre. Maintenant, il y a joué un petit peu de musique. On va jouer, c'est la chasse au trésor, mon trésor, sur Doc Babylon 69.3 FM avec Casey LMNOP. Allô, c'est Abdul, Abdulaziz. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu dors? Tu travailles, t'enterres, qu'est-ce que tu creuses. Ok, bon, je te laisse le trésor et puis à plus.